l'Universalité pour cette conférence en compagnie de Raphaël Payeur. Donc c'est la dernière conférence dans cette série qui concernait les lois. On a vu donc la loi d'Amra. La loi d'Amra, peux-tu nous faire résumer ce que c'était? La loi d'Amra, c'était la loi qui veut que lorsque on reçoit, on donne, qu'il y ait donc, en quelque sorte, un échange d'énergie, un transport d'énergie. OK. La loi de polarité. La loi de polarité, c'était la loi qui faisait que, à l'intérieur d'une situation, on est limité au cadre dans lequel on se retrouve. Alors que, en réalité, ce cadre pourrait être transcendé si on allait plus loin. Autrement dit, c'était la loi aussi qu'on appelait la loi du mensonge. OK. La loi d'amour. La loi d'amour, c'était, bon, c'est ce dont on a parlé la semaine dernière, à savoir comment, éventuellement, à partir d'une loi mécanique dans l'univers, c'est-à-dire une loi de causalité, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une cause et un effet, cet effet devient lui-même cause d'un nouvel effet, etc. Eh bien, à un moment donné, il peut s'introduire dans cette chaîne causale quelque chose de gratuit. Les anciens occultistes appelaient l'épigénèse, qu'on peut appeler aussi la loi d'amour, c'est-à-dire quelque chose qui fleurit tout à coup, sans cause, et qui n'entraîne pas nécessairement non plus des effets, disons, obligatoires, des effets de conséquence. Bien. Alors, il nous reste à découvrir ce soir la loi de compensation. Bon, exact. Donc, la loi de compensation, elle fait partie de ce même cadre, de ce même champ de ce qu'on appelle les lois, et nous avions déjà vu que la loi, lorsqu'on a abordé la loi d'Amra et les autres, j'ai insisté sur le fait que la loi est en quelque sorte un reflet de l'esprit et que dans notre système de fonctionnement, dans nos cadres généraux de fonctionnement, eh bien, la loi est ce qui peut nous amener éventuellement au monde de l'esprit. C'est-à-dire, si on en arrive éventuellement à se soumettre à la loi, à avoir la loi à l'intérieur, on peut transcender et aller dans le monde de l'esprit puisque tout ce qui est organisation, tout ce qui est ordre et loi sur la planète et ce qui représente dans le monde des phénomènes ce qu'on appelle l'esprit. Maintenant, il y a lieu évidemment dans ce cadre-là de voir deux éléments. D'abord, la loi comme étant une espèce de fil d'Ariane pour nous ramener au monde de l'esprit si on réussit à s'y réharmoniser, à s'y conformer. Ensuite, la loi comme outil qui doit être un jour dépassé, qui doit être un jour transcendé, c'est-à-dire on doit être capable éventuellement d'aller au-delà de la loi en la connaissant et en l'utilisant. Et c'est pourquoi, dans cette dernière conférence, dans ce cycle sur les lois, je voudrais aborder la loi de compensation et la présenter sous un aspect très pratique, pour montrer un peu comment, lorsqu'on connaît des lois, bon, on avait nommé déjà les sept lois d'Hermès, enfin, les lois de base qu'il y a dans l'univers, lorsqu'on connaît une loi, comment on peut s'en servir et que ça devienne beaucoup plus que quelque chose auquel, par exemple, on est soumis. Habituellement, une loi, on pense qu'on est soumis à cela, qu'on doit se conformer, etc. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est l'esprit qui utilise ces moyens que sont les lois pour réaliser quelque chose. Alors, la loi de compensation, elle a plusieurs niveaux. Tout à l'heure, on s'est vu juste avant la conférence, des questions de karma, c'est une dimension de la loi de compensation, c'est-à-dire que à chaque fois que quelque chose est fait, à chaque fois qu'une énergie est émise, cette énergie, elle va être compensée par une chose qui lui correspond. Donc, si on cause du mal à quelqu'un, prenons ça sur un aspect, disons, moral, si on cause du mal à quelqu'un, par compensation, éventuellement, on aura cette même souffrance morale que l'on a affligée à quelqu'un. Ça a été connu dans l'Orient sous le nom de loi du karma. Et dans l'Occident, ça a été connu à travers d'abord les épreuves, puisque lorsque quelqu'un reçoit une épreuve habituelle, très souvent dans la tradition, en tout cas ici au Québec, on dit pas « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? » Hein? Alors, on réalise inconsciemment, bon, aujourd'hui, les théologiens, les psychologues aiment pas ça lorsqu'on dit ça, parce qu'ils disent « Dieu ne se mêle pas de ces choses-là », c'est totalement faux, dans le fond. Lorsqu'on dit « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que telle chose m'arrive? », c'est la voix de l'inconscience, la sagesse inconsciente qui parle, parce que En effet, il y a eu quelque chose qui a été commis contre, justement, le côté positif de l'univers. C'est pourquoi il nous arrive quelque chose de négatif. Donc ça, c'est une loi de compensation qui est assez rigide, assez stricte et qui a des effets, évidemment, très importants au niveau de l'individu. Et c'est pourquoi, déjà à un premier niveau, il faut essayer de structurer son activité pour que les gestes, les choses que l'on fait, l'énergie que l'on émet, ait des conséquences heureuses, ait des conséquences positives. Alors, évidemment, si on sait pas, c'est la vieille maxime qu'on répétait autrefois dans le christianisme, fais aux autres ce que tu voudrais qu'il t'arrive. Ça, c'est la loi de compensation. À chaque fois qu'on va faire quelque chose dans la ligne positive, il va nous arriver quelque chose de positif. Disons que sur le plan moral et sur un plan plus général, c'est ce qu'on appelle le karma. Maintenant, la loi de compensation, elle a d'autres niveaux. Par exemple, dans le domaine de la magie et de la mise en pratique des connaissances, la loi de compensation, c'est cette loi qui est à l'origine de ce qu'on appelle le sacrum facere, le sacrifice. Bon. Autrefois, encore une fois, la tradition religieuse disait, il faut vous sacrifier, il faut pas manger de chocolat durant le carême, des choses comme cela. Aujourd'hui, on trouve ça ridicule. Parce qu'on se dit, c'est pas matériel, la spiritualité. Tout à fait d'accord que la spiritualité n'est pas matérielle, mais la privation sur le plan matériel entraîne par compensation l'expansion de l'énergie spirituelle. C'est ça qu'ont compris les anciens occultistes, les anciens mages, Eliphas Lévi et les autres. Aujourd'hui, on a fait un séminaire de talismanie, justement, où on a abordé ça un peu. C'est ça qu'avaient compris de manière mystique, sans la connaissance, les saints, qui avaient accumulé des quantités d'énergie incroyables qui peuvent encore aujourd'hui être utilisées en sacrifiant l'aspect matériel. Donc, si dans votre vie, vous voulez que les pouvoirs spirituels, d'une certaine manière, disons, les pouvoirs psychiques se manifestent, il faut essentiellement que vous puissiez agir sur votre plan physique, sur le plan matériel, pour réduire des choses, pour sacrifier des choses. C'est la fameuse maxime « heureux en amour, malchanceux en carte, chanceux en amour, etc. » Bon, toujours la chose de la balance. Si la balance pèse plus d'un côté, l'autre côté lève. Alors, on ne peut pas être chanceux aux cartes, chanceux en amour en même temps. Ça, c'est tout à fait juste. Donc, on ne peut pas être... sur le plan matériel, dans une croissance extraordinaire, et vivre cette même croissance sur le plan spirituel. Il y a compensation entre ce qu'on appelle les mondes invisibles et les mondes visibles. Et c'est là-dessus que je vais insister ce soir. Parce que cette loi de compensation entre le visible et l'invisible, elle est la clé de tout le travail occultiste. Dans tout le travail occultiste, il va y avoir ce dont je parle à chaque conférence, j'aime ça le répéter, la cesse. Et la cesse, c'est ce qui permet de sacrifier sur le plan éthérico-chimique, c'est-à-dire sur le plan biologique, sur le plan émotionnel et sur le plan mental, de se sacrifier, d'éliminer des choses pour que par compensation sur les plans spirituels de l'ego, et on a vu ça dans la loi du mensonge que l'ego se réfléchissait pour former la personnalité. Donc, si on réduit l'importance de la personnalité, si on se sacrifie au niveau de la personnalité, au niveau de l'ego, par compensation sur les plans invisibles, il y a expansion. Ça, c'est connu depuis toute éternité et c'est ce qui a fondé les cultes, les rituels dans les religions, dans les mouvements initiatiques, parce que, voyez-vous, on fête la naissance de la lumière Au jour de l'équinoxe, du solstice, pardon, d'hiver, alors que tout est sombre, tout est noir. C'est assez curieux quand même de fêter le soleil, de fêter la lumière, la conscience christique en plein solstice d'hiver à Noël. Pourquoi on le fête là? C'est parce que comme les Romains l'avaient déjà compris, puisqu'ils appelaient Noël à cette époque le sol invictus, le soleil invaincu, c'est que à ce moment où tout est le plus sombre sur les plans extérieurs, c'est là que la lumière spirituelle est la plus puissante. Alors, il y a cette compensation, lumière extérieure, lumière intérieure. C'est pourquoi j'insiste aussi si souvent sur le fait que l'homme, dans ses exercices spirituels, on avait vu ça le mois dernier, dans ses exercices spirituels, doit se couper progressivement des plans extérieurs. Dans la même mesure où vous êtes capable de vous extraire du monde extérieur par vos sens, de la même mesure, dans la même proportion, vous entrez sur les plans spirituels. Et ça, c'est absolument... c'est légal, c'est la loi de compensation qu'il fait. Et c'est pourquoi tous les exercices ésotériques vont viser à ce que vous deveniez progressivement... d'une manière contrôlée, bien sûr, pas tout au long du jour, mais de manière contrôlée, insensible au plan extérieur, vous abstraire du plan extérieur, et là, par compensation, vos sens intérieurs, spirituels, psychiques s'ouvrent. Eh bien, il y a eu, à travers toute l'histoire, une utilisation de cette connaissance autour notamment de l'utilisation de la lumière. Je vous avais dit la semaine dernière que je vous parlerais d'un aspect pratique autour de ce qu'on appelle le phosphénisme. Bon, le phosphénisme est une application pratique de cette loi très générale qui est la loi de compensation. C'est-à-dire que sur un plan extérieur, il y a la lumière. Si vous l'éteignez sur le plan extérieur, par compensation, elle s'allume à l'intérieur de vous-même. Cette loi-là était connue donc depuis très longtemps, puisque toutes les religions sont fondées sur ce fait que lorsque c'est la nuit la plus sombre, c'est là que le soleil spirituel existe, le soleil de minuit, on l'appelle. Eh bien, cette loi donc, elle était connue, et cette pratique du phosphénisme était aussi très répandue. L'auteur qui a ramené cependant cette technique sur le plan de public ces années-ci, c'est celui qu'on appelle le docteur Lefebure, qui a commencé dans les années 60 à travailler ce sujet, et lui a consacré presque toute sa vie depuis à essayer de découvrir comment cette technique du phosphénisme était en fait à la base et au centre même des préoccupations philosophiques et religieuses de l'humanité depuis ses origines. Évidemment, lorsqu'un homme de génie, parce que Lefebure c'est un génie, lorsqu'un homme de génie découvre une chose comme celle-là, il a malheureusement tendance à tout rattacher et limiter à cela. Alors évidemment, je vous parlerai un peu des discussions que j'ai eues avec lui, parce que je l'ai rencontré dernièrement, tout un après-midi, on a travaillé ensemble. Mais le docteur Lefebure, il ne faut pas penser que pour lui, il y a autre chose que le phosphénisme. Alors pour lui, les religions anciennes, les initiations, le christianisme, tout est phosphénisme. Tout est expérience phosphénique et il n'y a pas d'autre chose. Alors peut-être que là, il y a une légère exagération, à tout le moins, mais sa théorie est très intéressante. Et on ne peut pas lui faire aucun reproche, parce qu'évidemment, lorsque vous découvrez une chose comme celle-là, vous ramenez une chose comme celle-là concrète, eh bien vous êtes porté à tout ramener à cela, comme moi je suis porté à tout ramener à la magie. Bon, ça c'est un peu une espèce de déformation de l'individu. Alors le docteur Lefebure a donc ramené cette technique. Qu'est-ce que c'est que le phosphénisme? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un phosphène? C'est le principe de compensation, de la loi de compensation, vous allez voir comment. Si vous observez une lumière, comme ici on a des spots, vous avez des lumières chez vous. Enfin, si vous observez une lumière pendant un certain temps et que vous fermez les yeux, vous allez voir que il va apparaître, lorsque vous fermez les yeux, un cercle de couleurs. Bon, c'est ça le phosphène. Bon, ça, c'est un post-phosphène, c'est-à-dire après avoir regardé la lumière. C'est un phosphène de compensation. Vous voyez la lumière sur le plan extérieur, vous l'éteignez. Vous fermez les yeux, vous mettez un bandeau, on verra une technique précise tout à l'heure. Eh bien là, la lumière intérieure s'allume. Il se passe la même chose lorsqu'on regarde un écran de télévision, puis qu'on quitte de son regard l'écran, qu'on regarde dans le noir, on voit l'écran encore une fois. Mm-hmm. On voit la lumière de l'écran de télévision, c'est le même phénomène. C'est un phénomène qui est un peu semblable. Quoique le phosphène, c'est pas juste ça. Ça, c'est une espèce d'image de persistance qui se produit au niveau de la rétine. Mais le phosphène, c'est beaucoup plus que ça. Le phosphène, c'est vraiment une lumière qui s'allume intérieurement. Est-ce que ce sont ces petites taches de couleur là qui vibrent très rapidement avec... C'est un cercle de couleurs qui est habituellement jaune entouré de rouge. Lorsque vous regardez la lumière pendant quelques secondes, une trentaine de secondes, vous fermez les yeux, vous allez voir ce cercle, c'est-à-dire un cercle jaune entouré de rouge. Ensuite, ce cercle-là va avoir tendance à se promener. Il va avoir tendance à avoir des éclipses, à s'éteindre et à se rallumer. Et progressivement, ça va devenir vert, entouré de rouge. Et ensuite, ça va devenir de plus en plus rouge. Et ensuite, bleu. Hein? Et ensuite, ça va tourner vers le noir et ça va finalement s'éteindre. Ça dure à peu près 3 minutes. Et c'est une lumière réelle intérieure, dans le sens où il y a des phosphènes qui ont été photographiés. C'est-à-dire que c'est pas uniquement une image de persistance sur la rétine ou dans le cerveau. C'est quelque chose qui, par compensation, parce que la lumière s'éteint sur les plans extérieurs que vous l'avez fixé, par compensation, le cerveau produit intérieurement une lumière qui peut être projetée et photographiée dans l'espace. Alors, c'est beaucoup plus qu'une simple image, comme si, par exemple, il y a des images que vous pouvez regarder, bon, une femme avec un point sur le nez, et puis ça change. Vous voyez ce genre d'image-là. C'est tout à fait un phénomène différent. Alors, dans le phosphénisme, vous en arrivez éventuellement, par cette loi de compensation, à créer à l'intérieur de vous-même une lumière véritablement intérieure, qui va donc avoir des propriétés tout à fait différentes. La lumière extérieure qui vous éclaire va vous permettre de voir les objets du monde physique. Cette lumière intérieure créée, générée par le phosphène, va vous permettre d'entrer dans une certaine voyance des plans invisibles. Et les recherches, les expérimentations menées par le docteur Lefebure et beaucoup de gens dans les différents centres phosphéniques du monde ont prouvé qu'il y avait un aspect psychique à ça, c'est-à-dire que ça développait les pouvoirs paranormaux, les pouvoirs de clairvoyance notamment. Donc, c'est l'aspect psychique de la question. Alors, je veux essayer de maintenant de le traiter un peu de manière méthodique pour que vous ayez une idée claire de la chose. La méthode, elle est la suivante. C'est une méthode qui est très simple. Je vais ensuite vous dire quels en sont les dangers, pourquoi il y a des implications psychiques qui sont négatives et qu'est-ce que c'est qui peut être très positif d'une loi comme celle-là. Parce qu'il faut voir tous les aspects, bien sûr, de la question. Moi, comme je suis extérieur à la chose, je peux essayer de faire ce travail-là. D'abord, la technique, c'est la suivante. Vous munissez d'appareils très simples, qui consistent en une lampe, une ampoule de 60 à 100 watts, opaline, si possible avec un réflecteur derrière, parce que si vous avez un réflecteur derrière l'ampoule, vous allez avoir un phosphène qui va être plus grand au niveau, lorsque vous allez le visualiser. On verra l'importance de ça tout à l'heure. Donc, une ampoule de 60 à 100 watts, vous la mettez, vous avez un interrupteur autant que possible qui va jusqu'à vous avec un fil, vous la placez à peu près à 3 pieds de vous, vous l'allumez, vous vous mettez devant, vous fixez la lumière pendant 30 secondes. Vous éteignez la lumière, vous pouvez vous mettre un bandeau noir sur les yeux, un bandeau que vous avez préparé, vous le mettez sous les yeux, et là, vous allez observer ce cercle jaune entouré de rouge, ensuite vert entouré de rouge, le rouge qui va gagner progressivement, ensuite qui va tourner vers le plus foncé, jusqu'à disparaître. Ça va durer à peu près 3 minutes, cette expérience du phosphène. Ça, c'est le post-phosphène, c'est-à-dire le phénomène de phosphène que vous avez après avoir éteint la lumière. Vous pouvez avoir ce que le docteur Lefebure appelle également un co-phosphène, c'est-à-dire que si vous regardez la lumière assez longtemps, vous allez commencer à voir des cercles de couleurs, des phosphènes qui vont se manifester près de la lampe. Ça, c'est le co-phosphène, donc associé à l'éclairage, si on veut. Alors, la méthode, elle est très simple, c'est cela. Maintenant, cette méthode, elle ne provoque rien, c'est-à-dire qu'elle n'a aucun effet. Si vous avez simplement ces taches lumineuses que vous observez dans l'obscurité, ça ne changera rien à votre vie. L'effet qui est important, c'est de mélanger à cette tache de couleur quelque chose, une pensée. Et c'est ça qui a été le génie du docteur Lefebure. Il ne l'a pas inventé, il a au moins la modestie de le dire, dans le sens où il a retrouvé, d'ailleurs dans les mystères d'Eleusis, c'était évident que, par exemple, l'expérience phosphénique était déjà vécue à ce moment-là, puisque dans les temples initiatiques, on faisait fixer la lumière aux gens qui étaient les candidats à l'initiation, et on éteignait les lumières et on leur disait « Maintenant, vous allez penser à tel et tel et tel sujet. » Alors, docteur Lefebure, regardant tout cela, sachant, il a beaucoup étudié parce qu'il a été initié par un prêtre de Zoroastre qui lui a imposé les mains et ça lui a fait voir des visages d'anges, ça lui a fait voir des scènes de la vie du Christ. Elle a été donc sensibilisée au psychisme et c'était un prêtre de Zoroastre. Il s'est demandé qu'est-ce que ce prêtre de Zoroastre avait que les autres n'avaient pas et il a découvert que le prêtre de Zoroastre priait en fixant une chandelle, comme on le fait dans les églises, comme on le fait beaucoup à Lourdes aussi. Bon, je suis allé à Lourdes, c'est l'endroit où j'ai été le plus frappé dans ma vie, duquel j'en reviendrai jamais de toute façon. Et à Lourdes, il y a beaucoup l'utilisation des cierges, et les gens allument leurs cierges et font une prière devant le cierge en fixant la lumière. Alors ça, ils font du mixage phosphénique. Exact, parce que c'est ça le mixage phosphénique justement. C'est le mélange d'une pensée avec le phosphène. C'est ce que font les gens à Lourdes lorsqu'ils allument leur lumière et qu'ils font leur prière à la Sainte Vierge. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mélangent la lumière, l'énergie lumineuse qui pénètre à l'intérieur de leur cerveau avec leur force d'imagination et avec leurs pensées qui sont des pensées de dévotion, de guérison près de la Vierge. Mais ils le font inconsciemment, ça, cet exercice-là. Ils ne savent pas qu'ils exercent une méthode, une technique, là. Ils le font inconsciemment. Bon, déjà dans les mystères d'Eleusis, c'était pas tout à fait inconscient parce qu'ils connaissaient la loi de compensation. Alors, ils savaient que dès que la lumière dans le temple s'éteignait, la lumière intérieure s'allumait. Ça, d'ailleurs, c'est connu dans les écoles initiatiques. Par exemple, dans une école à Sherbrooke, nous avons des rituels où il y a un cierge d'allumé durant le rituel parce que lorsque le cierge est allumé, on considère dans la mystique que c'est la présence de Dieu, présence de la lumière. Et lorsque, au moment où le rituel s'achève, on éteint la lumière, on est tous très conscients, et on prend quelques instants de réflexion, on est tous très conscients que lorsque la personne qui fait le rituel éteint la lumière dans le lieu où on se rencontre, eh bien la lumière intérieure s'allume. Alors cette loi de compensation, elle est connue plus ou moins instinctivement, et dans les écoles initiatiques, elle est carrément reconnu. Mais ce qui n'était pas reconnu, c'est les, disons, les dimensions expérimentales et scientifiques que le docteur Lefebure a pu amener. Bon, maintenant, le fait de fixer, par exemple, une chandelle, la flamme d'une chandelle, et de mixer ça avec des attentions, des demandes, un désir, est-ce que ça peut expliquer les guérisons de Lourdes? Ça a certainement un effet déterminant dans certains cas de guérison à Lourdes. Ça, c'est certain. Parce que qu'est-ce qui se produit? Il se produit vraiment un mixage entre cette lumière intérieure, c'est une lumière spirituelle qui est émise à l'intérieur de vous-même, consécutivement à la fixation d'une lampe ou du soleil, on peut le faire avec le soleil, mais alors là, il y a des restrictions, on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Alors, vous pouvez, consécutivement à cette fixation de la lumière, produire donc cette lumière intérieure, et lorsque vous pensez en même temps, qu'est-ce qui se produit? On a découvert expérimentalement que le phosphène vient de la zone du lobe occipital, tout à fait postérieur au niveau du cerveau. Ça, on sait que c'est la zone où se produit le phosphène, parce qu'avec stimulation électrique dans cette zone du cerveau, on produit le phénomène de phosphène. Donc, on sait très bien que le phosphène, l'expérience phosphénique est localisée à ce niveau-là du cerveau. D'autre part, on sait que la zone de l'intelligence, elle est au niveau frontal. Et que, entre la dimension cérébrale frontale et occipitale, il y a des bandelettes qu'on appelle en biologie les bandelettes antéro-postérieures qui réunissent ces deux parties du cerveau. Lorsque on mélange le phosphène qui est produit dans la zone occipitale et la pensée qui est produite dans la zone frontale, on crée, selon les théories scientifiques les plus récentes autour des recherches de Lefebure, on crée une espèce d'échange d'énergie entre les deux zones du cerveau. On crée comme une espèce de force qui réunit ces deux polarités du cerveau, réunit l'aspect occipital, si on veut, et frontal. Et c'est pourquoi, dans ce mixage entre le phosphène et la pensée, il y a toujours des conséquences très importantes. D'abord, augmentation de l'intelligence. Ce que le docteur Lefebure appelle l'augmentation d'intelligence, c'est un peu curieux pour un scientifique de parler comme ça, mais enfin, c'est intéressant. Augmentation d'intelligence, c'est-à-dire augmentation des associations d'idées. Alors, si vous avez, par exemple, un sujet quelconque que vous voulez développer, en le mixant à un phosphène, vous allez augmenter les associations d'idées que vous pouvez avoir avec. Il se crée comme, l'exemple que le docteur Lefebure prenait pour nous expliquer ça, il se crée comme une espèce de sel, ce qu'il appelle lui un sel phosphénique, c'est-à-dire un mélange réel entre l'aspect phosphène, lumière, et l'aspect pensée. Vraiment une combinaison. Plus le phosphène est large, et ça, il sera d'autant plus large que l'éclairage est fort ou qu'il y a un réflecteur. Plus le phosphène est large et vous projetez votre pensée à l'intérieur, plus il y a cet effet de mixage et plus l'association d'idées, l'augmentation de l'intelligence s'opère. Évidemment, c'est pas instantané. Bon, le docteur Lefebure précise bien que c'est en biologie, donc ça prend approximativement un mois avant que ces voies neurologiques au niveau des phosphènes se fasse au niveau du cerveau. Et après à peu près une période d'un mois, là, l'expérimentation est plus simple et les résultats sont plus importants. Mais les résultats sont absolument incroyables. Vous avez probablement déjà lu de ses ouvrages ou entendu parler de ses recherches. C'est incroyable comme résultat dans le sens où des enfants, par exemple, qui pratiquent le mixage phosphénique en étudiant, c'est très simple. Ils veulent étudier une leçon quelconque, un tableau, par exemple, un tableau en chimie, un tableau périodique. Ils font simplement ceci. Ils étudient leur tableau périodique. Ils le visualisent comme il faut. Ensuite de cela, ils allument une lampe sur leur bureau. Ils la regardent pendant 30 secondes. Ils ferment les yeux et ils se remémorent le tableau périodique. Et ça crée en sorte que cette mémoire d'évocation, de fixation augmente. Et après, ils ont des résultats scolaires qui sont très surprenants. On peut leur faire apprendre à augmenter leur rythme de lecture, par exemple, en mixant justement des phrases qu'ils lisent avec des phosphènes, ou en faisant du co-phosphène, c'est-à-dire en fixant une lumière, et là, ils vont avoir des phénomènes de phosphène sans fermer les yeux et en lisant le texte à travers cela. Enfin, c'est une méthode très simple, il y a un bouquin qui est disponible là-dessus. Est-ce que c'est appliqué en pédagogie? Est-ce qu'il y a des classes de rattrapage scolaire dans le monde où on fonctionne sur cette méthode-là, où on fait avec des derniers, des premiers de classe? Bon, ça a été fait. Il y avait un professeur au Portugal, le professeur Cruz, qui a établi ça dans des écoles au Portugal et qui ont eu des résultats très concrets. Ici au Québec, il y a des psychologues scolaires qui ont aussi fait des expériences et qui ont montré qu'une personne, par exemple, qui n'avait aucune aptitude en calcul, avait des notes très, très, très basses, arrivait très vite à la moyenne et à des résultats même supérieurs à la moyenne. Et parfois, ils arrivaient premier de classe. Alors, il y a eu des résultats, disons, expérimentaux, statistiques qui ont été établis et qui montrent que sur un plan pédagogique, et c'est d'ailleurs là-dessus, c'est le cheval de bataille du phosphénisme actuellement dans le monde, la pédagogie, parce que c'est le lieu où s'est développé, disons, d'une façon plus tangible ce résultat. Beaucoup de professeurs qui ont fait des études à ce niveau-là, et notamment à Jonquière, ici, et à quelques endroits au Québec. Maintenant, il y a cet aspect, disons, typiquement pédagogique, mais il y a aussi l'aspect du caractère. On s'est rendu compte, ça c'est assez curieux, que le caractère aussi était affecté. Alors des gens, par exemple, j'ai un cas en tête qui a été publié dernièrement, où on dit que un enfant qui se battait toujours dans la cour de récréation, qui était toujours envoyé chez le directeur, qui avait des problèmes d'adaptation avec sa classe, qui se bataillait toujours avec ses frères, ses sœurs, qui n'avait aucun respect pour les professeurs, qui était le désespoir des parents, qui cassait les vitres, un voyou terrible dans un quartier, après avoir fait du phosphénisme, c'est-à-dire après avoir, pendant quelques temps avec une personne, fait du mixage, c'est-à-dire observer la lumière, fait des phosphènes et mixer à l'intérieur de ça des pensées positives, des pensées d'harmonisation, bien cet individu était devenu, non seulement s'était calmé, mais était devenu quelqu'un qui disait aux autres, au chef de son ancien gang, d'arrêter, d'être en harmonie, etc. Alors, il y a des cas très, très précis au niveau psychologique et on demandait justement au Dr Lefebure pourquoi un effet sur le plan du caractère et il nous avait répondu, c'est simple, lorsque vous regardez la lumière, vous devenez lumière, vous extériorisez ce que vous avez vu du monde. Alors, si vous fixez le soleil, vous devenez un soleil. C'est la réponse qu'il nous a donnée. C'est une réponse très ésotérique, une réponse très au niveau très analogique, dans le sens et c'est très disons plausible. Si vous faites du phosphénisme d'une manière précise, c'est-à-dire que vous captez la lumière par les yeux, cette lumière qui entre en vous aussi a un effet. Et c'est un effet lumineux, il va s'en dire. Maintenant, il y a peut-être des dangers à vouloir fixer le soleil au niveau de la rétine. On peut se brûler la rétine, non? Bon. Il y a eu beaucoup de questions autour de ça. Même une ampoule électrique. Est-ce qu'il y a des dangers pour l'œil, etc.? Bon, il a été montré après de nombreux tests. D'ailleurs, le docteur Lefebure est assez âgé. Je sais pas son âge, mais il est assez âgé. Il n'y a pas de problème du tout de vision. Il a très, très bonne vue. Et c'est un homme qui a fait beaucoup de phosphénisme. Il a été prouvé, donc, que si c'était fait d'une manière intelligente, c'est-à-dire avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, 60 à 100 watts à 3 pieds, et en toujours tenant compte de sa propre capacité, hein? Toujours aussi, lorsque vous fixez la lumière en clignant des yeux, comme c'est normal, pour pas que la conjonctive se dessèche, eh bien là, il y a absolument aucun danger. Et non seulement il y a aucun danger, mais, et ça, c'était prévisible selon les thèses de l'occultisme, la vue, la plupart du temps, augmente d'une dioptrie si la personne persiste dans ses exercices. C'était prévisible, je vous le dis, par l'occultisme. Pourquoi? Parce qu'on a toujours prétendu en occultisme que le besoin crée l'organe et que c'est l'œil qui a été construit par la lumière. Le meilleur exemple, disons, qui est un peu naïf, mais l'exemple que les occultistes donnent, c'est que une taupe, parce qu'elle est dans l'obscurité, elle ne voit plus bien. Bon, et que les animaux d'obscurité, ils n'ont pas une bonne vue. Alors, on dit que l'œil, et tout organe de toute façon, est construit vraiment par ce qu'il perçoit comme sensation. Donc, comme l'oreille est construite par les sons qui l'environnent, l'œil est construit par la lumière. Donc, si vous fixez la lumière, c'est normal que l'œil soit, d'une quelque sorte, nourri par cette lumière. Donc, il n'y a pas de danger à ce niveau-là, sauf pour un cas, une contre-indication, que parfois des gens qui enseignent le phosphénisme, j'en ai rencontré un il y a une couple de semaines ici au Québec, oublient de dire, c'est le cas du glaucome. C'est-à-dire que si vous fixez la lumière et que vous sentez à l'intérieur de l'œil des douleurs, une pression à l'intérieur de l'œil, pas un picotement sur la conjonctive, mais une pression à l'intérieur de l'œil, c'est qu'il faut arrêter le phosphénisme et il faut aller se faire examiner la vue. C'est très souvent parce que la personne a commencé à développer ce qu'on appelle un glaucome, qui est une surpression des liquides de l'œil. Bon, c'est rare, c'est surtout chez les personnes âgées, mais c'est possible. Et c'est décelé tout de suite en faisant ce type de phosphénisme. Ça guérit même certaines maladies de yeux. C'est-à-dire que il y a dans des cas de cinéchie, par exemple, qui sont des adhérences au niveau du cristallin et tout, eh bien, il y a possibilité de les guérir parce que le phosphénisme crée une espèce de gymnastique de l'iris. Alors, c'est vraiment très, très bon au niveau de l'œil et ça le construit au niveau biologique, c'est certain. Avec le soleil, c'est un peu autre chose. Avec le soleil, il faut faire attention de ne pas le fixer, surtout pas très longtemps, juste quelques secondes à peine. Il faut jamais le fixer avec des lunettes, ça c'est évident, parce que les lunettes sont des loupes et vont focaliser les rayons solaires, puis vous allez vous brûler les yeux tout de suite. Jamais de lunettes. Il faut autant que possible, avant d'utiliser le phosphène avec le soleil, boire beaucoup d'eau. Parce qu'en buvant de l'eau, cette eau qui est assimilée va aller dans la masse sanguine, va rendre le sang plus fluide et va permettre une meilleure irrigation de la rétine. Donc, boire beaucoup d'eau et au niveau du soleil, vous regardez simplement quelques secondes, là vous fermez les yeux et vous avez votre phosphène qui apparaît. Ou vous pouvez le faire et vous allez trouver ça curieux, mais je n'ai jamais rencontré une seule personne qui m'a parlé de phosphénisme ou qui a écrit, ou je n'ai jamais lu aucun texte sur le phosphénisme où on ne raconte pas l'histoire de Minou Drouet. C'est assez curieux, c'est une espèce de cas fétiche pour le phosphénisme. Eh bien, Minou Drouet, c'était une jeune personne retardée. Je vais vous en parler, pourquoi pas. C'était une jeune personne retardée qui vivait dans un orphelinat. Et tout à coup, des gens ont décidé de l'adopter. Ils l'ont emmenée chez eux. Ils ne l'ont pas envoyée à l'école. Ils l'ont laissée faire ce qu'elle voulait. Et cette personne, cet enfant, est allée sur le bord de l'eau. Elle se balançait et elle regardait le soleil qui se reflétait sur l'eau. Et après quelques temps de cette pratique de fixation qui se reflétait sur l'eau et mélange avec sa pensée, ses chansons, ses choses du genre, on peut s'imaginer un peu ce qu'une jeune fille à cette époque pouvait faire, eh bien, il y a eu augmentation incroyable de son potentiel intellectuel et elle est devenue géniale. Elle, c'est la grande poétesse Minou Drouet. Il semble-t-il qu'elle est très, très, très connue, en tout cas, en France et dans les écrits phosphéniques à tout le moins. Eh bien, Minou Drouet, c'est ça, elle utilisait le soleil, non pas directement, mais par réflexion sur une masse d'eau. Alors ça aussi, c'est possible d'utiliser, disons, la réflexion solaire sur la masse d'eau et ça crée déjà un phénomène phosphénique. Donc, il y a des choses intéressantes sur le plan typiquement pédagogique, ensuite sur le plan de la psychiatrie, presque sur le plan de la délinquance juvénile, mais là où ça devient plus délicat, c'est sur le plan psychique. Et le docteur Lefebure est en train de développer actuellement des techniques absolument ahurissantes à la base de phosphénisme et à base de rotation, ce qu'il appelle la méditation gyroscopique, qui fait en sorte que lorsque vous utilisez cette technique, vous éveillez très rapidement les chakras. Et cet éveil des chakras, avec une base phosphénique, amène ce qu'il appelle la montée de Kundalini. Et il a écrit un livre, dernièrement, qu'il a publié à droit d'auteur, donc qui n'est pas tellement diffusé ici au Québec, et qui s'appelle « La machine à faire monter Kundalini ». Eh bien, c'est une technique, ça c'est bien le docteur Lefebure. La machine à faire monter Kundalini, une technique où en quelques semaines, vous faites monter Kundalini. Et là, vous recevez l'illumination. Bon, d'ailleurs, c'est pas ça qui l'attire. Il dit l'illumination, c'est pas ça, c'est pour les primitifs. Il faut aller plus loin, il faut comprendre les mécanismes des lois. Il est quand même très intelligent, très bien structuré dans ces choses. Il faut pas penser là, que je ridiculise quoi que ce soit. C'est très important, si je vous en parle, c'est parce que je trouve que c'est important, évidemment. Eh bien, le danger, c'est que c'est un développement psychique. Alors, les effets psychiques qui se font sentir et qui sont certains au niveau parce qu'il y a cet éveil de la lumière intérieure, ces effets psychiques peuvent avoir, disons, des conséquences plus ou moins heureuses selon le niveau d'évolution où vous êtes. C'est toujours la même chose. La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, utilisation de techniques d'éveil des énergies intérieures sans un certain degré de moralité, sans un certain degré de pureté, sans un certain degré de conscience, peut amener des résultats fâchés. Et c'est dans ce sens-là que moi je mets une toute petite restriction sur le mixage phosphénique. Je pense que on doit avantageusement connaître d'abord la loi de compensation, ensuite savoir que techniquement c'est possible d'utiliser cela pour augmenter en soi certaines potentialités de son cerveau, et on sait que avec l'ère du Verseau qui vient et avec tout cela, il faut développer des facultés supérieures du cerveau. Ça c'est indéniable. Mais il ne faut pas le faire au détriment du côté, disons, plus spirituel. Autrement dit, je m'oppose au psy au-delà de l'occultisme, comme veut le faire Bélanger. Pour moi, le psy, le phénomène psychique, n'est pas au-delà de l'occultisme. Il est en deçà de l'occultisme, mais il faut toujours qu'il soit soumis à tout cet ensemble de règles de l'occultisme, à tout ce code éthique du mage. Et ça, si c'est pas connu, eh bien là, il peut y avoir un certain problème qui peut s'opérer. Donc, il faut faire très attention et se servir de ces techniques-là dans la mesure de ce que l'on veut produire. Mais c'est très bon. Pensez, par exemple, que vous êtes en train de faire, je sais pas moi, vous faites un travail mystique, une méditation sur quelque chose. Si vous ajoutez le phosphène à cela, vous ne pouvez que augmenter la rapidité d'une part, bien que c'est pas réellement ça qu'on recherche, mais aussi la fonction de ce que vous faites. Vous pouvez augmenter la puissance de votre méditation. Vous pouvez vraiment augmenter la densité des pensées que vous avez, la densité de l'imagination que vous créez en vous pour changer votre état de conscience. Donc là, ça peut être très intéressant. Et on peut même dire que on n'a jamais pas fait. C'est-à-dire qu'on a toujours été des gens qui ont fait du phosphénisme comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans savoir. On a toujours fait du phosphénisme dans ce sens-là, de telle sorte que on n'est pas du tout exempt et on ne peut pas se dire bon mais c'est quelque chose qui sent un peu le psychisme. Non, il faut savoir qu'il y a une part psychique, que cette part psychique elle est dangereuse si on ne la comprend pas, qu'elle est bonne si on la comprend, dans le sens où on la met dans un cadre de développement général. À partir de ce moment-là, la technique du phosphénisme devient très intéressante et elle nous permet de comprendre davantage certaines pratiques au niveau des religions, des écoles initiatiques, comprendre pourquoi il y avait cette grande importance de la flamme allumée et pourquoi dans les rituels de magie, on fixe toujours les flammes, les fameuses flammes, les fameux cierges. Alors, l'importance de la lumière, ça, c'est très intéressant. Maintenant, en extrapolant un peu, ou en extrapolant même à l'extrême, là, il me semble que le Phébure rattache même le phénomène du soleil qui dansait, là. Le soleil qui dansait, c'est à Fatima, ça, à une expérience de mixage phosphénique ou une espèce de phosphénisme collectif, quelque chose comme ça. As-tu entendu parler de ceci? Bon, au niveau de Fatima, il le fait, et au niveau de Lourdes, il le fait aussi. Et au niveau des apôtres aussi, qui ont été choisis parce qu'ils étaient des pêcheurs qui fixaient les reflets du soleil dans l'eau lorsqu'ils pêchaient. Les pêcheurs, les bergers et les mages, les trois grands spécialistes du phosphène de l'Antiquité, vous direz, le docteur Lefebvre. Je l'ai souvent entendu me dire ça, soit à des émissions que j'en avais enregistrées ensemble à Sherbrooke ou chez lui. Ça, c'est tout à fait juste. Il, comme je disais tout à l'heure, il oriente tout à ce niveau-là. Mais c'est intéressant, sa thèse, au niveau de Fatima. Parce que, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les enfants qui ont vu la Vierge à Fatima, eh bien, il a eu, en étudiant le cas, il s'est rendu compte que l'une de ses enfants faisait justement du phosphène parce qu'elle avait identifié le soleil à Jésus. Et elle priait Jésus en regardant le soleil. Donc, elle faisait du phosphène et non seulement ça, elle avait entraîné ses compagnons qui ont été dans l'expérience de Fatima, les avait entraînés à regarder le soleil et à prier. Et pas seulement ça, mais parce que vous savez, il y a beaucoup d'autres choses dans le docteur Lefebvre qui deviennent là, déjà beaucoup plus psychiques et dont je ne vais pas trop aborder parce que c'est assez publicisé comme ça. Mais les danses de derviches tourneurs, ils faisaient à peu près l'équivalent de certaines danses de derviches tourneurs, ces enfants-là. De telle sorte qu'ils ont eu ces expériences de visionnement de choses et ils ont pu rendre une imagination, une image intérieure très, très, très, très, très réelle, d'une part. Ça fait une projection, en quelque sorte. Mais c'est plus que ça, dans le sens où Dr. Lefebvre dit ceci. Il se produit lorsqu'il y a un groupe de personnes, et que ce groupe de personnes regarde la lumière, fait du phosphène, il y a, à un moment donné, une masse critique qui est atteinte. Comme en fission nucléaire. À un moment donné, il y a une masse critique qui est atteinte, et là, il se produit une espèce de création collective d'un immense phosphène. C'est contagieux. C'est ça. C'est-à-dire que jusqu'à ce que le nombre de personnes soit atteint, ça demeure quelque chose d'individuel. Mais lorsqu'il y a suffisamment de personnes qui ont atteint l'expérience phosphénique, là, il y a un déclenchement d'un phosphène collectif. Il explique que la danse du soleil s'est produite comme celle-là. Comme cela. Et ça, c'est vrai qu'il y a des expériences collectives. Ça, c'est à ne pas douter. Et dans tout le développement du psychisme, c'est aussi vrai. C'est pourquoi dans les écoles initiatiques occidentales, positive, on refuse que les gens fassent des exercices ensemble. Parce que si vous avez 10 personnes dans une salle, que ces personnes sont ensemble et font une méditation profonde ou certaines concentrations ou certains exercices psychiques, eh bien, qu'est-ce qui se produit? S'il y a un ou deux ou trois personnes qui atteignent un certain niveau vibratoire psychique, ce niveau-là va être comme projeté aux autres. Exactement comme le docteur Lefebvre le présente, bien qu'il soit pas nécessairement dans cet esprit ésotérique-là, bien que vous savez que c'était un très grand occultiste avant de faire beaucoup de phosphène, c'était un occultiste très, très important qui a été membre du congrès mondial des sociétés spirituelles, etc. Mais vous avez donc cette masse critique qui est opérée. Ce qui fait que si vous êtes un groupe de personnes, que quelques-uns arrivent à un certain niveau psychique, les autres vont en profiter. Parce qu'il se produit un phénomène collectif. C'est pourquoi dans les écoles d'initiation, on refuse cela, parce que des gens arrivent à des niveaux de clairvoyance, et ça, ça s'est très bien vu. Vous pouvez, si vous avez quelques psychiques dans un groupe, vous pouvez amener des gens, leur promettre des initiations, de voir des choses de clairvoyance, et ça se produit. Surtout s'ils se tiennent par la main en cercle des choses du genre. Bon, là, vous produisez un phénomène psychique collectif. Les gens ont des illuminations, voient des choses, mais ce n'est pas par leur propre développement, par leur propre volonté. C'est la puissance des autres. De telle sorte qu'ils retournent chez eux, ils n'ont plus rien. Bon, ça c'est très, très fréquent. Les gens ont des illuminations d'une fin de semaine. Cercle d'énergie et charismatique et tout ça. Les charismatiques, c'est exactement le même mécanisme. Alors, suivant cela, il est certain que des expériences comme Fatima sont des expériences où il y a un phénomène psychique collectif. Ça, c'est évident. Que ce soit purement phosphénique, c'est autre chose. Moi, je me prononcerai pas à ce niveau-là, mais c'est sûr qu'il y a un phénomène, disons, psychique collectif, comme à Lourdes. Si vous arrivez à Lourdes, ça je l'ai vécu personnellement, et vous arrivez au moment où il y a la procession flambeau et qu'il y a 6000 personnes qui se promènent la nuit avec chacun flambeau, encore la lumière. Hein. J'ai des photos de ça qui montrent très bien comment cette lumière est extraordinaire. Cette procession flambeau, c'est quelque chose d'incroyable parce que vous êtes dans l'obscurité la plus totale et tout à coup 6000 personnes allument leur flambeau. Et là, il y a cette marche. Bon, alors, les gens marchent, c'est la volonté qui s'exprime. Ils ont tous cette idée de la guérison, de dévotion à la Vierge. Ils chantent tous des Ave Maria. Lorsqu'ils chantent les Ave Maria, ils les chantent en plusieurs langues. Lorsqu'ils arrivent en latin, c'est tout à fait différent. Lorsqu'ils arrivent et qu'ils arrivent au moment où ils chantent en latin, eh bien, il y a des frissons qui vous passent tout le long de la colonne vertébrale, dans le dos. Il y a une énergie extraordinaire qui passe. Ça, c'est un phénomène psychique d'initiation collective. De telle sorte que si vous êtes le moindrement sensible et que vous êtes au milieu d'une foule qui est en dévotion comme ça, avec ses flambeaux, avec ses prières, avec ses vibrations, ce verbe qui est émis, vous ne pouvez pas ne pas subir une certaine forme d'initiation, c'est-à-dire une certaine forme de prise de conscience, une révélation intérieure. Bon, je connais une personne qui, bon, les larmes coulent parce que sur le plan astral, ça a un effet, un impact extraordinaire. C'est une fusion avec les énergies christiques qui sont sur le plan de l'astral. Ça, c'est collectif. Et ça, c'est la personne aurait été seule dans le sanctuaire de Lourdes qu'elle n'aurait pas du tout eu cet effet-là. C'est ce qu'on appelle en occultisme les égrégores. Alors, dans une certaine mesure, il faut reconnaître que dans les expériences psychiques religieuses de ce genre, il y a contribution d'un phénomène collectif, disons de nature psychique ou spirituelle. Dans le cas de Lourdes, Dr Lefebure rajoute que Bernadette de Soubirous, lorsqu'elle s'endormait le soir, elle était dans des conditions particulières d'éclairage où il y avait un foyer dans sa chambre et où, juste avant de s'endormir, elle récitait son chapelet, elle récitait des prières à des jeunes qui étaient là et tout naturellement, Dr Lefebure conclut qu'elle devait fixer, parce que c'est intéressant en s'endormant, de fixer la flamme du foyer. Bon, ça, c'est une supposition, bien sûr, que le docteur Lefebure fait pour montrer, pour interpréter le fait que si plus tard, Bernadette de Soubirous a vu la Vierge, et là, c'est dans ce sens-là qu'il pousse beaucoup, disons, si Bernadette de Soubirous a vu la Vierge, c'est parce qu'elle a fait des phosphènes. C'est-à-dire réciter des prières, mais elle est dépensée avec la flamme qu'elle regardait. Et le phénomène du phosphénisme, chose curieuse, ce n'est pas nécessairement en pratiquant le phosphénisme qui se produit la chose. Ça peut être à un délai plus ou moins long après. Bon. Et c'est ce qui est arrivé, c'est-à-dire que selon le docteur Lefebure, Bernadette de Soubirous, après un certain délai, a fixé un lieu obscur, une grotte, la grotte de Lourdes, et elle a vu apparaître la Vierge. Alors il l'interprète comme un phénomène phosphénique. Bon. Comme vous le mentionnez tout à l'heure, il interprète le christianisme uniquement comme phosphéniste. D'ailleurs, il m'a dit durant cette rencontre que le Christ avait été crucifié parce qu'il avait révélé le secret du phosphénisme. Alors que c'était un secret, bien, ça c'est vrai que c'est un secret gardé en Grèce. Ça fait aucun doute si on étudie les mystères d'Eleusis et la pensée grecque. C'est certain que c'était très puissant à ce moment-là. Mais que ça a été la raison de la crucifixion du Christ? Bon, évidemment, on le laisse le prétendre et c'est à chacun de juger. Moi, personnellement, je trouve que c'est un peu, disons, exagéré. Mais il a, comme tous les génies, le don de tout ramener à ça d'une façon extraordinaire en disant, ben voilà, les bergers, il n'y a pas de personnages sur la terre qui peuvent faire plus facilement du phosphénisme que les bergers. Les agriculteurs sont penchés sur leur terre, va vous dire le docteur Lefebure, tandis que les bergers gardent les moutons, regardent à l'horizon. Alors, ils fixent le soleil à l'horizon et puis ils mélangent leurs pensées, etc., leurs prières. Les bergers récitent des prières très souvent, paraît-il, en gardant leurs troupeaux. Alors, les bergers, ce sont ceux qui étaient à la naissance du Christ. Les mages, les rois mages, bon, pour lui, ça semble évident que ces mages étaient des prêtres de Zarathoustra et la philosophie de Zarathoustra est orientée autour de rituels qui se font dans un temple où au centre, il y a un feu, où il y a de la lumière. Donc, la lumière est très importante chez Zarathoustra. Et les pêcheurs, ben, c'est ceux qui, justement, jettent leur filet à l'eau en récitant leur prière et voient les reflets du soleil dans l'eau et font aussi des post-semaines. Alors, il dit, voilà, le Christ a appelé les quatre premiers disciples qu'il a appelés, c'était des pêcheurs. Donc, dans une atmosphère, dans une ambiance de phosphénisme. Bon, moi, je suis d'accord que le phosphénisme est une application pratique très importante de la loi de compensation et que la loi de compensation est une des lois fondamentales dans l'ésotérisme et que la loi de compensation appliquée à la lumière est le point central de l'entraînement ésotérique. Ça, je suis d'accord jusque-là et je pense qu'à ce moment-là, le phosphénisme peut être intégré à un entraînement ésotérique lorsqu'on en connaît les principes, lorsqu'on en connaît les limites et lorsqu'on en connaît les dangers. À partir de là, maintenant, de là à tout revoir la tradition philosophique et religieuse à la lumière exclusive du phosphénisme, ça c'est un saut que personnellement je fais pas, mais qui n'est pas bête de faire quand même si on tient à cette doctrine. As-tu pris connaissance d'un livre qui est très difficile à se procurer? Alors, enfin, il y a le mixage phosphénique en pédagogie, ça c'est l'ouvrage majeur central du docteur Lefebure, et puis il y a également la puissance du christianisme ou la magie chrétienne. As-tu lu ça? Ça a été édité, je crois, sous un autre titre, si c'est pas impossible, je pense. C'est encore la puissance du christianisme et magie chrétienne, ce livre rouge. Et puis un troisième qui est beaucoup plus rare aujourd'hui, qui est l'initiation Pietro ou le yoga de 2 secondes du docteur Lefebure. As-tu lu ces livres? Oui, l'initiation de Pietro, c'est d'ailleurs là qu'on voit la photographie, la fameuse photographie d'un phosphène. Bon, moi, j'ai ramassé tout ce qui restait comme stock à Montréal et puis j'en ai sur 3 mètres de haut et 3 mètres de large. Alors, si vous êtes intéressé à les avoir, vous connaissez l'adresse où vous les procurez. Je les ai tous les trois en très grands exemplaires. Je dois en avoir à peu près 700 ou 800. Alors, le message parce que pour moi, c'est très important. C'est un système qui peut éventuellement révolutionner le monde, pour moi. Je pense qu'il peut y avoir il y a des applications extraordinaires. Il y a certainement des découvertes qui vont se faire, des gens qui vont étudier à leur tour ce que Lefebure a mis en valeur. Et il y a d'autres applications très intéressantes. Ouais. Je te laisse continuer. Alors, c'est ça. Je crois en effet que ce type de pratique peut avoir 2 répercussions. D'abord, il peut avoir une répercussion publique. Ça se développera peut-être. Bon, le mixage en pédagogie, c'est quand même 40 000 exemplaires de vendus. Donc, sur un plan public, il y a quand même une diffusion qui est faite, disons. Oui. Mais sur un plan intérieur et sur un plan plus rattaché aux écoles ésotériques, c'est ça qui m'intéresse. Et lorsque je parle, de choses comme la loi de compensation, et de ces questions-là, donc dans un cadre ésotérique, ce qui absolument pour moi est important, c'est qu'on puisse éventuellement, soit par le discours de la science, et le discours du docteur Lefebure est un peu plus scientifique puisqu'il nous parle de régions du cerveau, d'échanges d'énergie, etc., eh bien plus on peut éventuellement interpréter ce qui autrefois a été fait d'une manière mystique, sans compréhension. Plus on peut voir ces mécanismes, eh bien, on peut en arriver éventuellement à dégager des pratiques que l'on a, de l'enseignement que l'on a aussi et des techniques que l'on a, on peut dégager des éléments plus précis et on peut rendre plus efficaces certains travaux. Et c'est en ce sens-là que moi, ça m'intéresse, dans le sens où lorsque on fait, par exemple, certaines prières ou que on sait que dans des lieux religieux il y a des cierges allumés, etc., c'est de reconnaître ce principe que lorsque la lumière sur les plans extérieurs s'éteint, la lumière intérieure s'allume, que l'on peut jouer avec ça en jouant avec nos sens. Et si on est capable de faire ça au niveau de la lumière, par compensation, on pourra le faire au niveau aussi des autres sens. C'est-à-dire que éventuellement par la loi de compensation, on peut écouter certaines musiques et ensuite fermer la musique et par compensation être projeté dans une écoute de l'harmonie des sphères, des plans supérieurs du mental. Bon, évidemment, le phosphénisme est le plus simple parce que la clairvoyance est le prochain sens que l'on va développer. Mais par compensation, l'ouïe aussi peut éventuellement entraîner une certaine forme de clairaudience. C'est pourquoi d'ailleurs les occultistes et les grands compositeurs, lorsqu'ils jouaient de la musique et tout à coup ils s'arrêtaient, par compensation, la musique poursuivait sur les plans intérieurs et ils avaient le reste de leur partition. Alors, si on applique ce principe-là d'une manière très précise, eh bien, on peut éventuellement, par compensation, s'ouvrir sur les plans intérieurs à partir d'une assaise, d'un contrôle de ses sens. Et je pense que c'est au niveau du phosphénisme, parce que c'est beaucoup plus simple, qu'on peut commencer. Et si on maîtrise bien cette technique de l'ouverture d'un sens et de la fermeture d'un sens, c'est-à-dire passage du plan exotérique au plan ésotérique, eh bien là, on peut passer à d'autres sens éventuellement. Et entrer dans toute une dynamique de compensation et expansionner le concept de la loi de compensation au point où on puisse, d'une manière consciente, entrer à la fois sur les plans intérieurs et les plans supérieurs. C'était ça l'initiation. J'ai donné dernièrement une conférence sur l'initiation ici, dans le cadre des troisièmes mardis du mois, où j'exprimais bien que dans les premières phases d'initiation, c'est-à-dire dans le degré de noviciat, on est dans une salle, la salle Est, où il y a une lumière allumée. C'est le candélabre à cette branche des Juifs. Il y a une lumière extérieure. À cette époque-là, les gens ne sont incapables de voir sur les plans intérieurs. Le novice n'a aucune capacité d'entrer sur les plans intérieurs consciemment. Ce n'est que lorsqu'il franchit le voile du temple, bon, le fameux voile entre la chambre Est et la chambre Ouest où se trouve l'Arche d'Alliance, ce n'est que lorsqu'il franchit le voile du temple qu'il entre dans les mondes intérieurs. Et la Bible et la tradition ésotérique nous insistent sur le fait que dans la chambre Ouest, il n'y a aucune lumière extérieure, que c'est la pleine obscurité. Vous vous rendez bien compte de l'affaire. Ça veut dire que c'est seulement dans une pleine obscurité exotérique que l'on peut avoir la lumière intérieure. Ça veut dire que tant que on reçoit exotériquement la lumière en nous, eh bien, on est incapable d'avoir une vision clairvoyante intérieure des choses. Et c'est à partir de là que l'on peut même orienter nos travaux spirituels, à savoir, par exemple, nos travaux d'entraînement ésotérique, à savoir qu'actuellement, bon, ce soir, c'est la pleine lune. Alors, la pleine lune, c'est la nuit où il fait le plus clair. Alors, c'est un travail, disons, exotérique qui doit être fait. Alors que dans la nouvelle lune, qui est la nuit la plus sombre, là, c'est un travail intérieur qui doit être fait. Et c'est d'ailleurs, on sait, dans la tradition, la nuit de la nouvelle lune, que les gens sont initiés, reçoivent leur première initiation, passent dans l'invisible. C'est pas pour rien, ça. C'est pas pour rien que les écoles, tant de magie noire que de magie blanche, réservent cette nuit de la nouvelle lune pour les initiations, pour le passage sur les plans intérieurs. Parce que c'est la nuit la plus sombre. Et alors que, durant la nuit où c'est pleinement éclairé, c'est une nuit où on permet aux gens d'assimiler ce qu'on appelle la nourriture de l'âme, c'est-à-dire assimiler toutes les expériences qu'ils ont vécues, parce que c'est le moment où on assimile, qu'on reçoit de l'extérieur. Alors, il y a une phase qui est réception et une phase qui est émission. Et dans cette phase d'obscurité, ce qui est intéressant, c'est qu'on est émetteur. Bon, la thèse du phosphénisme nous prouve que on émet quelque chose puisque le phosphène peut être photographié, donc est extramental. On émet quelque chose, ça veut dire que dans la phase obscure de notre être, on est comme des espèces de lieux de rayonnement. Alors on peut transmettre aux autres une lumière qui est particulière. Et c'est pourquoi toute l'expérience de la nuit va être importante. Et c'est pourquoi dans l'expérience de la nuit, on va dire que c'est à ce moment-là que les gens, dans leur mécanisme d'entraînement ésotérique ou mystique, vont, par exemple, se dédoubler, aller soigner des malades et des choses comme ça-là. Parce que c'est la phase, disons, typiquement obscure de la journée. Sais-tu comment j'applique le phosphénisme, moi, quotidiennement? J'utilise cette technique-là, mais un peu différemment, dans le sens que je l'utilise à chaque fois que je prends une douche. Et curieusement, là, quand je prends la douche, le phosphène apparaît très facilement. Je ne sais pas si ça provient d'un reflet de la lumière sur le carrelage qui est en face. Tu sais, je fixe le mur, c'est un mur de carrelage, donc très brillant, et ça prend pas de temps. Là, je ferme les yeux, à ce moment-là, j'ai mon phosphène, et je profite toujours de ça lorsque je termine ma douche, là, pour poser une question. Au moment où j'ai mon phosphène, là, je me pose une question insoluble dont je connais pas la réponse, et là, par association d'idées, il commence à y avoir un résultat, un développement qui se fait, puis là, je le marche dans le couloir, et je l'articule, je le verbalise, là, jusqu'à ce que j'ai la réponse. Vous pouvez essayer. C'est intéressant. Ouais, c'est une excellente technique. D'ailleurs, quand on avait parlé un peu de vide mental, puis il y a plus qu'un an, parce qu'on avait parlé d'un peu de ces techniques-là au départ, on avait indiqué beaucoup l'importance de la marche. Et c'est intéressant dans le sens où, justement, comme ça apporte une lumière intérieure, y mettre un problème, c'est intéressant. Y mettre un problème, y mettre une difficulté quelconque, y mettre aussi un but à atteindre. Si vous désirez atteindre tel et tel but dans votre travail d'entraînement ou peu importe, eh bien, si vous le mettez dans le phosphène, vous densifiez ce résultat et vous l'amenez de plus en plus sur le plan concret. Alors c'est important dans le sens où non seulement c'est une irradiance de lumière intérieure, mais que ça augmente véritablement la densité. Docteur Lefebure donne comme exemple les sensations synesthésiques, c'est-à-dire les sensations du corps. Par exemple, vous faites un phosphène et vous vous imaginez sur la plage. Et cette expérience de mêler une image synesthésique, comme vous êtes en train de marcher sur la plage avec le phosphène, fait en sorte que votre pensée se densifie tellement que vous êtes comme hors corps sur la plage en train de marcher. Alors ça veut dire ça que lorsque vous avez un idéal intellectuel, que lorsque quand j'ai parlé des rêves, je vous ai dit il y a certains génies à contacter, certaines nuits spéciales où vous pouvez avoir des contacts prémonitoires particuliers, eh bien si c'est à ces moments précis, vous prenez par exemple le nom du génie et que vous le mêlez à ce phosphène, vous augmentez considérablement son impact sur le plan intérieur. Alors, vous avez dans votre oratoire, par exemple, un cierge. Vous rentrez dans votre oratoire pour faire un rituel de yoga, c'est-à-dire de réunification avec les plans intérieurs. Et vous fixez la flamme du cierge et vous pensez à votre génie et vous mêlez avec le phosphène éventuellement l'idée de ce génie, le travail que vous voulez accomplir, vous l'augmentez considérablement. C'est là que ça donne une espèce de coup de main à un travail occultiste. J'ai rencontré une dame ici il y a, je pense, 3 ou 4 mois de cela, qui était atteinte d'ostéoporose, là, qui avait une décalcification de la hanche et puis qui en était à un stade terminal. La hanche avait été complètement détruite, dissoute, hein, et la médecine ne pouvait rien faire. Et elle a pratiqué le phosphénisme avec une pensée positive qu'elle répétait donc à travers le phosphène là pendant 2 mois. Quotidiennement là, et sa hanche a commencé à repousser là. Elle s'est réagencée, puis ça a été photographié par les médecins, donc, et qu'il n'y a pas eu d'explication pour eux rationnelle à ce phénomène-là. Puis cette dame-là, quand elle venait ici, elle était incapable de marcher quasiment. Là, elle a plus de canne maintenant, elle marche, elle court. Ça, c'est une application. J'aurais aimé la faire parvenir au docteur Lefebure comme témoignage. C'est extraordinaire. Je l'ai vu ici, ça. Parce que, bon, c'est très rare quand même que le phosphénisme a des implications médicales. Mais c'est évident que, comme pouvoir psychique, disons, Elle avait la conviction que ça pourrait lui être utile, cette technique-là. C'est ça. Moi, je crois qu'à ce moment-là, c'est véritablement un support au pouvoir de la pensée. Exactement. Bon, on en a souvent parlé du pouvoir de la pensée. Si vous êtes convaincu qu'une chose va tourner en catastrophe ou en réussite, vous provoquez la catastrophe ou la réussite. Mais si vous y ajoutez cette lumière intérieure, cette lumière produite au niveau cérébral et au niveau intérieur, eh bien, vous allez augmenter considérablement l'impact vers la réussite ou l'impact vers l'échec. C'est une façon d'intensifier, en fait, la pensée ou la demande. C'est une façon de la densifier, c'est ça. Densifier, oui. Oui, l'exemple qu'il donne, je le reprécise, il dit, c'est vraiment un sel phosphénique. C'est-à-dire, c'est une combinaison, comme dans un sel, vous savez que c'est une combinaison d'un acide et d'une base, mais c'est ce qui se produit avec la pensée. Il y a vraiment pénétration, combinaison entre la pensée et le phosphène. Et il n'y a plus phosphène et pensée. Il y a un sel, c'est-à-dire il y a une combinaison indissociable du phosphène et de la pensée qui la rend tellement dense qu'elle peut se manifester, se concrétiser beaucoup plus rapidement. Alors ce n'est plus une simple pensée, ce n'est plus un simple phosphène. Et c'est pourquoi le phosphène seul n'a aucun sens, c'est-à-dire n'obtiendra aucun résultat parce que le travail à réaliser, c'est mixion des deux. Alors moi, ce que je vous suggérerais, si on veut, d'une manière plus pratique, mais si vous voulez comprendre, appliquer cette méthode de la loi de compensation. Bon, si vous voulez avoir des détails très pédagogiques, des choses comme cela, peut-être durant la période de questions, on pourra détailler cela, ou bien vous pourrez vous référer aux ouvrages connus du Dr Lefebure ou à ceux en réserve de notre ami François. Mais autrement, ce que je vous conseillerais, c'est d'une part de prendre conscience de cette loi de la compensation et d'essayer de l'appliquer pour voir quels sont les résultats. Parce que c'est bien beau connaître une loi. Si on connaît une loi, on ne l'applique pas, c'est inutile. Connaître la loi du karma et continuer à vivre la vie de tous les jours comme si on ne savait pas, ça donne rien. Quand on connaît une loi, il faut ensuite travailler avec elle. Bien, travailler avec cette loi de compensation, ce serait par exemple, le soir avant de vous coucher, hein, ou à tout autre moment de la journée, vous faites un phosphène et vous prenez précisément l'orientation, ce vers quoi vous voulez tendre dans votre entraînement ésotérique, dans votre développement ésotérique. Pas sur un plan psychique, pas un pouvoir que vous voulez avoir, un état de conscience que vous voulez atteindre progressivement, un type d'intelligence que vous voulez contacter à travers les différentes choses dont on a pu parler dans les conférences précédentes, et mixez-le avec ça. Et voyez, en le faisant régulièrement, périodiquement, les résultats qui seront opérés. Vous comprendrez comment une loi, comme la loi de compensation, dans la vie de tous les jours, peut avoir des implications très profondes et très marqué, donc dans toute l'orientation et le développement de l'être. Raphaël Payeur, merci beaucoup. C'était encore une fois très, très intéressant. Merci, Raphaël. On fait une pause d'une demi-heure et on revient en compagnie de Raphaël pour la période de questions. Alors, je vous demanderai d'y aller là avec vos questions. Vous avez des feuilles dans la salle d'accueil. Allez-y, posez vos questions, puis amenez-nous-les en avant ici. Je me ferai votre interprète auprès de Raphaël tout à l'heure. On peut peut-être faire aussi un résumé de l'ensemble des lois, de différents sujets qui touchent les lois, si les gens... Ah oui.